بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 96، 96 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالتور. دونك جبير بن مطعم رضي الله عنه dit qu'il a entendu le Nabi صلى الله عليه وسلم lors de la salat du Maghrib réciter surat at-Tur, le mont. يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين الراوي جبير بن مطعم، دونك لو رابورتور سي جبير بن مطعم ابن عدي القرشي النوفالي رضي الله عنه كان عالما بانساب قريش. C'est un homme qui était savant en ce qui touche à la généalogie de Quraysh, la tribu de Quraysh, ou à l'arab et des arabes. Et il a affirmé qu'il a pris cela de Abu Bakr al-Siddiq. يقول قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر فسمعه يقرأ بالتور فقال فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه ثم أسلم بين الصلح الحديبية بين الصلح الحديبية وفتح مكة مات سنة 58. Donc il a dit, s'est rendu auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم lorsqu'il fallait récupérer les prisonniers de Badr. Et que là, il a entendu le Nabi صلى الله عليه وسلم réciter surat al-Tur, le mont. Et lorsqu'il a atteint le verset dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit n'ont-ils été créés de rien ou bien sont eux les créateurs? Jusqu'à ce qu'il atteigne la parole dans le sens où il dit Amhum Musaytirun. C'est le verset 37, sur la tête tour. Donc il a dit que mon cœur a failli s'envoler lorsque j'ai entendu cela. Et c'était la première fois justement que l'iman s'est installé dans son cœur. Ensuite il s'est converti. À quel moment? Entre le pacte de Hudaybiya et la conquête de Mecca. Et qu'il est mort en l'an 58. Naam. Yaqul moudou al-hadith, le sujet du hadith. Bayan al-qira'ati fi salat al-maghrib. Qui vient pour montrer qu'est-ce que l'on récite dans salat al-maghrib. طيب يقول في الشرح الإجمالي الإكسياسون جلوبال دو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في قراءة سورة المغرب على قصار المفصل غالبا وربما أطال القراءة فيها وفي هذا الحديث يخبر جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المغرب بسورة التور وهي من طوال المفصل. دونك النبي صلى الله عليه وسلم avait pour habitude en général la salle du Maghrib, de réciter les sourates qui sont courtes, parmi les mufassala. Comme c'est par exemple le Juz Tabarak, ou Akada, et même Juz Hamas en dedans. Et il a dit, et parfois il lui arrivait de rallonger un peu. Comme dans ce hadith, dans lequel le sahabi nous informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait lu sourate et tour, qui est parmi les longues, parmi les mufassala. Surat al-Mufassal, At-Tur, c'est parmi celles qui sont plus longues. Naam. Et yaqul fi fawaid al-hadith, enseignement utile du hadith, mashru'iyati al-jahr bi-qira'ati fi salat al-Maghrib, qu'il est permis justement de faire à voix haute lors de la salat du Maghrib. Et là, il s'agit des deux premières rak'at. Il s'agit des deux premières rak'at. Thaniyan, mashru'iyati tatwil al-qira'ati fiha ahyanan. Et qu'il est parfois permis de rallonger un peu la lecture, d'accord? Parfois. Cela est légitime, cela est légiféré, de le faire parfois. Naam. Fa'adhana khouz min hadha al-hadith al-yawm, il était court. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Walhamdulillah bil alamin.